طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا عند قول الشيخ عليه رحمة الله: ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشاعرة والمترودية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. Donc là, Cheikh Al-Uthaymeen, il poursuit la fin de ce chapitre très intéressant où il évoque certaines implications résultant du cheminement des négateurs Ahlul Ta'til et de tous les adeptes de cette voie. Donc il dit ensuite, il y a parmi les gens de la négation Ahl al-Ta'til, il y a ceux qui ont appliqué leurs règles de réfutation à tous les attributs. Et il y a ceux qui ont appliqué leurs règles à tous les attributs, haoula al-Mu'tazila. Ceux-là sont les Mu'tazila. Ils réfutent la totalité des attributs divins. Ou ta'adda ila al-asma'i aydan. Et certains parmi eux, ils sont partis plus loin en réfutant également les noms divins. Wa haoulaï al-jahmiya. Wa haoulaï al-jahmiya. Wa minhum man tanaqad. Et il y a parmi eux ceux qui se sont contredits. Ils ont affirmé certains attributs et en ont réfuté d'autres. Comme la secte des Asha'ira, ainsi que celle des Maturidiyya, qui, eux, c'est-à-dire ces deux sectes, ont affirmé certains attributs et en ont réfuté d'autres, en se basant uniquement, que ce soit pour l'affirmation ou pour la négation, en se basant uniquement sur ce qu'indique leur raison. قال الشيخ العثيمين فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. Donc on répond à cette dernière catégorie de mu'attila, de négateur, qui est celle qui affirme certains attributs et qui en réfute d'autres. On dit à cette secte-là que votre réfutation, yani, qui est essentiellement basée sur votre raison, en prétextant que la raison n'indique pas tel ou tel attribut, n'indique pas le caractère affirmatif de tel ou tel attribut, on peut répondre à votre prétention en disant par la même, ou plutôt en affirmant par la même manière, c'est-à-dire la même manière que vous empruntez, c'est-à-dire le raisonnement, on peut affirmer l'affirmation des attributs que vous réfutez, alors qu'ils sont bel et bien inscrits dans le Coran et dans la Sunna. Ils sont bel et bien évoqués dans le Coran et dans la Sunna. قال مثال ذلك أنهم أثبتوا صفات الإرادة ونفوا صفات الرحمة. أثبتوا صفات الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها. Et en guise d'exemple, donc c'est cette secte, ou ces deux sectes, Al-Asha'ira ou Al-Maturidiyya, ils ont affirmé l'attribut de la volonté. Pour eux, la volonté est un attribut divin affirmé. Et ils ont réfuté l'attribut de la miséricorde. Donc lorsqu'ils affirment l'attribut de la volonté, ils l'affirment par indication du Coran et de la Sunna, et aussi et surtout par leur raisonnement. Tamam. وَأَمَّا السَّمْعُ فَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Donc en ce qui concerne l'épreuve auditible, yani l'épreuve du Coran ou de la Sunna, il y a le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, le verset 253 de Sourate al-Baqarah, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon une traduction approximative, « Cependant, Allah fait ce qu'il veut. Allah fait ce qu'il veut. » Donc la volonté est bel et bien affirmée dans ce verset. « وَأَمَّا الْعَقْلُ فَإِنَّ اخْتِلَافِ الْمَخْلُوقَاتِ وَتَخْصِيصِ بَعْضِهَا بِمَا يَخْتَصُ بِهِ من ذات أو وصف دليل على الإرادة. Et en ce qui concerne la raison indique également l'affirmation de l'attribut de la volonté, puisque les diverses créatures créées, ainsi que les spécificités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à chacune d'elles, indique forcément une volonté. C'est-à-dire une volonté de créer tel être différent de l'autre. Tel être avec telle particularité. Wahakada. Donc là, ces sectes, ils ont affirmé la volonté en s'appuyant sur le Coran, mais surtout en s'appuyant sur leur aql et mana, et n'ont eu aucun grief sur le fait de ne pas affirmer les autres attributs de la même manière, en s'appuyant sur le Coran et en avançant le aql. Car le aql sahih, comme on l'a déjà vu, le aql sahih, لا ينافي النقل الصحيح. C'est-à-dire la saine raison ne contredira jamais le moindre texte authentique, que ce soit dans la Sunna ou que ce soit les textes du Coran, le Coran al-Karim. À la kulli hal, donc ils ont affirmé le caractère de ils ont affirmé le sifat, l'attribut de la volonté. وَنَفَوْا الرَّحْمَةَ لِأَنَّهَا تَسْتَلْزِمُ لِينَ الرَّاحِمِ وَرِقَّتَهُ لِلْمَرْحُومِ وَهَذَا مُحَالٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَأَوَّلُ الْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ الْمُثْبِتَةِ لِلرَّحْمَةِ إِلَى الْفِعْلِ أَوْ إِرَادَةِ الْفِعْلِ ففسروا الرحيم بالمنعم أو بمريد الإنعام أو مريد الإنعام. Donc lorsqu'il s'agit de l'attribut de la miséricorde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont réfuté. Ils l'ont réfuté pourquoi? Parce que ils disent que affirmer qu'Allah est miséricordieux, ça impliquerait qu'il soit tendre, qu'il soit d'une douceur. Et ça ne convient pas à l'être divin. Ça ne convient pas à Allah Azzawajal. Donc, ils ont interprété les textes qui évoquaient la miséricorde, soit par l'action en soi, soit par l'action en soi, ou soit par la volonté de faire l'action, c'est-à-dire la volonté de faire la d'être miséricordieux. Comme madame, ils ont interprété le mot, le nom Ar-Rahim, le nom d'Allah Azzawajal Ar-Rahim, le très miséricordieux, ils l'ont interprété en disant le bienfaiteur ou celui qui veut octroyer le bien, celui qui veut octroyer ses bienfaits. Naam. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة والفعل مثل ويرحم من يشاء. Donc on répondra à cette secte, ou à ces sectes, que la miséricorde est bel et bien affirmée par les textes du Coran et de la Sunna. Et que les preuves affirmant ou évoquant la miséricorde sont bien plus nombreuses que les preuves qui parlent de la volonté, de l'attribut de la volonté. On trouve dans le Coran que cet attribut est venu tantôt de plusieurs formes. Tantôt il a été évoqué comme nom, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tantôt il a été évoqué comme attribut, tout simplement. Wa rabbuka al-ghafuru dhur-rahma. Et ton Seigneur est le pardonneur, le détenteur de la miséricorde. Le détenteur de la miséricorde. Et dans d'autres versets, on le trouve sous la forme de l'action. Cet attribut, on le trouve sous la forme de l'action. وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ. Et Allah fait miséricorde à qui il veut. Donc, déjà, d'un point de vue adillah, on voit qu'il y a beaucoup plus de dalil qui affirme le caractère affirmatif de l'attribut de la miséricorde face à l'attribut de la volonté. طيب. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymin dit « وَيُمْكِنُ إِثْبَاتُهَا بِالْعَقْلِ. Et on peut aussi affirmer la miséricorde par la raison, saine, bien sûr. فَإِنَّ النِّعْمَ أَلَّتِي تَتْرَى عَلَى الْعِبَادِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَالنِّقَمَ أَلَّتِي تُدْفَعُ عَنْهُمْ فِي كُلِّ حِينٍ دَالَّةٌ عَلَى ثُبُوتِ رَحْمَةِ اللَّهِ عَلَى ثُبُوتِ الرَّحْمَةِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Tout simplement parce que les nombreux bienfaits successifs qui touchent les serviteurs de tout point de vue, ainsi que les nombreux malheurs qui sont repoussés d'eux, dont ils sont préservés, et ce de tout point de vue, cela indique avec affirmation le caractère présent du sifa, de l'attribut de la miséricorde. Naam. Wadalalatuha, qala wadalalatuha ala dhalika abyan wa ajla min dalalati takhsis ala al-irada li dhuhuri dhalika lil khassa wal 'amma bi khilaf dalalati takhsis على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. Et donc les indications prouvant l'existence de l'attribut de la miséricorde sont bien plus claires, bien plus explicites que les indications qui spécifient seulement le caractère de l'attribut de la volonté. Naam. Et ceci est une chose, on ne peut plus claire pour les gens de la masse comme pour les savants et étudiants en sciences. Naam. وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها. Et aussi lorsqu'ils prétendent que la miséricorde sous-entend ou implique une forme de douceur ou de tendresse, on leur répondrait tout simplement que ce genre de plaidoyer, ce genre de preuves peuvent être appliquées contre eux lorsque ils affirment l'attribut de la volonté. Fayuqalu al-irada maylu al-murid ila ma yarju bihi حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. Parce qu'on pourrait leur dire, la volonté est un penchant de celui qui veut obtenir un bien ou repousser un mal. Tamam? Et cela implique un besoin. Cela implique que la personne qui veut a forcément un besoin. Et de surcroît, nous, on se doit de purifier les pensées sur le fait qu'Allah pourrait avoir un quelconque besoin. Mais si on réfléchit comme eux, ils réfléchissent, on dirait que la volonté, on pourrait le comprendre, on pourrait dire que la volonté sous-entend une forme de besoin. Tamam? Tout comme eux, ils nous ont dit que la miséricorde sous-entend une forme de tendresse et de douceur qui ne convient pas à Allah Azza wa Jal. Donc si on leur dit que ça sous-entend une forme de... que la volonté qu'ils affirment, c'est-à-dire l'attribut de la volonté qu'ils affirment, sous-entend une forme de besoin, hein, de son détenteur. Alors ils nous diront quoi? فَإِنْ أُجِيبَ بِأَنَّ هَذِهِ إِرَادَةُ الْمَخْلُوقِ أَمْكَنَ الْجَوَابِ بِمِثْلِهِ. S'ils nous répondent en nous disant que votre traduction ou votre interprétation de la volonté est vraie lorsqu'il s'agit de la volonté des créatures. La volonté des créatures sous-entend forcément un besoin. Mais là, c'est la volonté d'Allah, Azza wa Jal. Donc, s'ils nous répondent par cela, on leur dira qu'également, pour la miséricorde, on vous donne la même réponse. Qu'également, pour la miséricorde, on vous donne la même réponse. Naam. قال فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. On leur dira que également la miséricorde qui implique un quelconque défaut ou une quelconque déficience est la miséricorde des créatures et non celle du créateur. وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. Et avec tout ce qui vient d'être dit, on voit le caractère, on constate d'une manière explicite et claire le caractère caduc de la voie qu'empruntent les gens, les adeptes de la négation, أهل التعطيل, que ce soit une négation partielle ou une négation absolue, comme celle des Jahmiya ou celle des Sha'ira. Wa ahaduhuma qala وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتروديه في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه شبه المعتزلة والجهمية. Et aussi, on constate, de par ce qui a été dit, que la voie qu'empruntent les Asha'ira ainsi que Al-Matrudiya, c'est-à-dire ceux qui ont affirmé certains attributs et ont réfuté les autres, cette voie-là, elle ne peut même pas contredire d'une manière décisive les propos de ceux qui ont tout rejeté comme les Mu'tazila ou Al-Jahmiya. Al-Mu'tazila qui ont rejeté tous les attributs et Al-Jahmiya qui ont rejeté les attributs ainsi que les noms. Donc avec en suivant la secte d'Asha'ira, on va constater qu'on n'arrivera même pas à répondre à ceux qui ont réfuté la totalité des attributs. Et ce, on n'arrivera pas à leur répondre à cause de deux points de vue. وذلك من وجهين أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها والبدعة لا تندفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. Tout d'abord, le premier point, c'est que c'est un chemin qui est innové. C'est-à-dire la voie des Asha'ira et des Maturidiya, c'est un chemin qui est innové, sur lequel le prophète, alayhi salatu wasalam, n'a jamais dit quoi que ce soit, n'a jamais approuvé, et ainsi que les pieux prédécesseurs qui les ont suivis parmi les imams. Donc, on ne peut pas repousser une bid'a, la bid'a des Mu'tazila et des Jahmiya, par une autre bid'a, qui est la bid'a des Asha'ira. Mais au contraire, la bid'a, l'innovation, se repousse que par la sunna. Deuxièmement, أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماترودية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماترودية لما نفوه على أهل السنة فيقولون لقد أبحثتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي. Donc là, deuxièmement, les Mu'tazila ou les Jahmiya, ils pourront dire aux Asha'ira, donc vous avez affirmé cet attribut. Hein, vous avez affirmé cet attribut et vous avez réfuté tous les autres. Ok, nous on réfute tous les attributs. Nous on les réfute tous. Vous avez réfuté, vous avez accepté cet attribut et vous avez réfuté tout le reste en vous appuyant sur le aql. Nous on vous dit qu'on s'est appuyé également sur le aql pour tout réfuter. Donc, avec quoi vous pouvez nous convaincre de ce que vous avez affirmé, que ce que vous avez réfuté par votre raison est meilleur que ce que nous avons réfuté par la nôtre. Tamam. Falana uqulun kama anna lakum uqula. Nous avons une raison comme vous. Vous avez la vôtre. فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة. Si c'est notre raison à nous, nos raisons, notre raisonnement à nous qui est erroné, comment alors quelle preuve aurons-nous pour dire que c'est votre raison qui est sur la voie juste? تمام؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ Et pareil, le contraire. Si, ماذا, c'est notre raison qui est en tort, qui est en erreur. Comment vous nous prouverez que votre raison est plus à même d'être suivie? ليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. Donc en vérité, vous n'avez aucune part de preuve en ce qui nous concerne en dehors du suivi des passions. En dehors du suivi des passions. Donc vous voyez bien que madame, s'il y avait débat entre les négateurs de l'absolu, qui sont les Mu'tazila ou les Jahmiya, avec ceux qui réfutent certains attributs et qui en affirment d'autres, la pertinence aurait été du côté de ceux qui réfutent la totalité des attributs. Bien que toutes ces voies-là sont des voies d'égarement, comme Bouyina fi hadh ad-dars. نعم. قال وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشاعرة والماترودية ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب. Et donc en vérité c'est un plaidoyer, on ne peut plus pertinent que peuvent avoir les partisans de la secte Mu'tazila ou Jahmiya lorsqu'ils rencontrent des Asha'ira ou des Matroudiyya. Et les Asha'ira ou autres, ils ne peuvent répondre à ce genre d'ambiguïté et ils ne peuvent trouver une issue de secours face à ce genre d'ambiguïté, si ce n'est en revenant vers la voie des pieux prédécesseurs. Si ce n'est en revenant vers la voie des pieux prédécesseurs qui rejetaient totalement ce genre de propos. وَيُثْبِتُونَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ مَا أَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ. Et ces pieux prédécesseurs qui, eux, affirmaient à Allah Azza wa Jal les noms et les attributs qu'il s'est lui-même affirmé dans son livre. Ou ala lisani rasulihi alayhi salatu wa salam ithbatan la tamthila fihi wa la takif. Et ou qu'ils affirmaient ce que le prophète alayhi salatu wa salam a lui-même affirmé comme attribut divin. Naam. Comme attribut divin. Sans même, voilà, comme attribut divin, نعم. يثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف. Donc, lorsqu'ils affirment, les gens de la Sunna, lorsqu'ils affirment des noms et les attributs d'Allah, il n'y a aucune forme de comparaison avec la créature. Il n'y a aucune forme de comparaison avec la créature lorsqu'ils affirment cela. Naam. C'est-à-dire de comparaison erronée ou fausse. قال وتنزيها لتعطيل فيه لا وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف. Et aussi également, les pieux prédécesseurs yani, ont purifié les pensées au sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse avoir des attributs qui ne lui conviennent pas. Naam. قال الله عز وجل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala n'accorde pas de lumière, comment pourrait-il l'avoir? Tanbihun ulima mimma sabaq. On a bientôt fini le chapitre et on aimerait bien le terminer, comme ça on aura terminé une bonne fois avec tout ce qui est qawa'id, tout ce qui est règles. On a terminé, inshallah, on va terminer ce soir, comme ça la semaine prochaine on n'aura plus qu'à voir les derniers chapitres de ce livre qui va porter sur les ambiguïtés et certaines interprétations qu'ont eu les gens de l'innovation avec les réponses à celles-ci. قال تنبيه علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل أما تعطيل المعطل فظاهر. Et donc Cheikh Al-Uthaymeen conclut ce chapitre en disant que on constate de ce qui a été dit que tout négateur est forcément tombé dans la comparaison, et tout adepte de la comparaison est forcément tombé dans la négation. Donc la négation du négateur est apparente, comme on l'a déjà vu. Mais à quel moment il tombe dans la comparaison? Tout d'abord, يعني لما قال أما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التثبيت التشبيه فمثل أولا وعطل ثانيا كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. نعم. طيب. Donc lui, le Mu'attil, il a comparé sur deux points de vue. D'abord, il n'est pas venu à réfuter l'attribut, si ce n'est que il a d'abord interprété dans sa tête comme étant comparable à l'attribut des créatures. Donc là, c'est la première forme de comparaison qu'il établit. Et ensuite, lorsqu'il a terminé de réfuter l'attribut, eh bien en vérité, sa réfutation est une forme de comparaison à un être déficient. فَلَمَّا يَقُولُ اللَّهُ بَصِيرٌ بِلَا بَصَرٌ. Allah, il est le voyant sans qu'il ait forcément de vue, de capacité à voir. Lorsqu'il dit cela, il compare, qu'il le veuille ou non, Allah Azza wa Jal à un être déficient. Tamam. قَالَ وَأَمَّا تَمْثِيلُ الْمُمَثِّلِ فَظَاهِرُ. En ce qui concerne les comparaisons que émettent les adeptes de cette voie, ça c'est clair comme on l'a évoqué dans les précédents cours. وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه. Mais ces personnes-là, à quel moment, c'est-à-dire ceux qui font la comparaison, à quel moment ils tombent dans la négation? الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنما يدل على صفات تليق بالله جل وعلا. Tout d'abord, il est tombé dans la négation parce que il a pris l'attribut et il l'a comparé à l'attribut des créatures. Alors qu'il n'y a nulle indication en cela. Alors qu'il n'y a nulle indication en cela. Donc lui, il a réfuté le caractère spécifique de cet attribut pour Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est sa première forme de négation. طيب. ثانيا أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. Deuxièmement, cette comparaison qu'il établit indique clairement qu'il réfute toutes les preuves qui nous informent qu'Allah n'est nullement comparable avec quoi que ce soit parmi sa création. طيب. ثالثا أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. Et en troisièmement, il a réfuté le caractère parfait d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il le compare à une créature qui est déficiente. طيب. وبهذا قد انتهينا من هذا الفصل الممتع. Donc avec ça, on a terminé ce chapitre très intéressant.